Et maintenant, je voudrais qu'on revoie une transformation bien utile des verbes français qui finissent en mettre, tels que admettre et permettre. Michel Thomas signalait dans ses méthodes que la plupart de ces verbes prennent une terminaison en met en anglais, M-I-T, comme to admit et to permit. Alors, si avoir raison se dit to be right, littéralement être correct, comment dira-t-on « je dois admettre que vous avez raison » ? I must admit that you are right. I must admit that you are right. Ou bien that you're right. Oui. Et comment dira-t-on « je pense qu'elle avait raison » ? I think that she was right. I think that she was right. Avez-vous remarqué que « avoir raison » se dit « to be right » ? Nous verrons un peu plus tard d'autres cas où l'on emploie « avoir » en français, mais « to be », donc « être » en anglais. Bien, alors revenons à notre transformation de verbe français en « mettre » en verbe anglais en « met ». Comment dira-t-on « omettre » ? To omit. To omit, of course. Et « transmettre » ? To transmit. To transmit. Bien. Et maintenant, comment direz-vous soumettre ? Alors là, je vais vous donner une petite piste. Sous-marin se dit submarine. Alors, pouvez-vous deviner la traduction de soumettre ? To submit. To submit. S-U-B-M-I-T. Alors, sachant que le mot comité est pratiquement le même en anglais, c'est committee. C-O-2-M-I-2-T-2-E. Comment direz-vous « j'ai soumis mon idée au comité » ? I submitted my idea to the committee. I submitted my idea to the committee. D'accord. Et on continue « qu'il l'a transmise au directeur ». Who transmitted it to the director. C'est ça. Who transmitted it to the director. Et comme c'était sûrement une bonne idée, elle a été acceptée. It was accepted, littéralement. C'était accepté. Alors remarquez qu'on emploie la même forme en ED que pour le passé. Alors, est-ce que vous pourriez me redire ça? Et elle a été acceptée. And it was accepted. And it was accepted. Très bien. Et maintenant, je voudrais qu'on revienne sur les verbes français en tenir, qui en anglais finissent en tain, T-A-I-N. En vous appuyant sur cette transformation, vous devriez savoir traduire le verbe obtenir. To obtain. To obtain. Et en appliquant la même transformation au verbe maintenir, comment direz-vous « je maintiens que c'est possible d'apprendre l'anglais » ? On avait vu avec l'exemple « It's a very special way to learn languages » que « de » se traduit toujours par « to » devant un verbe. Alors, je maintiens que c'est possible d'apprendre l'anglais. I maintain that it is possible to learn English. I maintain that it is possible to learn English. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ou comme on dit en anglais, « I agree with you ». Alors ici, watch out. Attention à la traduction de « je suis d'accord ». On ne dit pas « I am agree », donc on n'emploie pas le verbe « to be », mais « I agree » tout court, « he agrees », etc. Donc il existe un verbe pour dire « être d'accord » en anglais. Bien. Alors si cette personne maintient qu'il est possible d'apprendre l'anglais, comment direz-vous « je suis d'accord avec lui » ? I agree with him. I agree with him. We all agree. Très bien, nous sommes tous d'accord là-dessus. Alors, poursuivons cette fois avec le verbe contenir. Si paquet se dit packet, ça s'écrit P-A-C-K-E-T, et surprise se dit tout simplement surprise, c'est le même mot qu'en français, mais prononcé différemment. Alors, comment direz-vous ce paquet contient une surprise ? This packet contains a surprise. This packet contains a surprise. Oui, j'espère que c'est une bonne surprise. Mais continuons avec un certain nombre de nouvelles transformations qui, comme les précédentes, vont vous aider à retenir, retain, sans effort, de nombreux mots.